Difficile de caser une lecture dans votre emploi du temps? Avec le livre audio, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et aussi des podcasts sur votre smartphone. Des coachings audio aux fictions sonores, explorez notre catalogue. N'attendez plus, téléchargez l'appli Audible et vibrez au son des livres. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 16 mars avez-vous choisi de nous rappeler? Le 16 mars 1914, Raphaël. Nous sommes rue Drouot dans l'après-midi. Une voiture s'arrête devant l'entrée du quotidien Le Figaro. Une dame en sort, elle a l'air stricte, elle porte une robe noire et elle a caché, c'est très important, ses mains dans un manchon de fourrure. Oh, je crois savoir de qui vous nous parlez, Franck. Ben oui, c'est Henriette, la femme du ministre des Finances de l'époque, Joseph Caillaux. Elle entre, demande à parler au directeur, Gaston Calmette, qui n'est pas là. Qu'à cela ne tienne, dit-elle, elle attendra. Elle s'assied à quelques pas du bureau sur une banquette. Et à 18h, Calmette est de retour. Il gagne son bureau pour quelques minutes, puis s'apprête à ressortir quand on le prévient que Madame Caillaux en personne est là, qui l'attend. Gaston Calmette pousse un énorme soupir à ce moment-là. Il n'avait pas envie de la recevoir. Ah ben non, et pour cause. Depuis des semaines, Le Figaro mène une violente campagne contre Joseph Caillaux. Il a même dévoilé la correspondance intime du ministre avec sa maîtresse. Calmette fait tout de même entrer Madame Caillaux. « Vous vous doutez sans doute de l'objet de ma visite », dit-elle. Et là, elle tire de son manchon un pistolet, un Browning, et elle se met à vider le chargeur sur Calmette. 4 balles atteignent leur cible. Le directeur du Figaro est grièvement blessé. Il va mourir à l'hôpital. Madame Caillaux est arrêtée, bien sûr. Inutile de vous dire que son mari va devoir démissionner, ne serait-ce que pour organiser la défense de sa femme. Une femme qui, contre toute attente d'ailleurs, sera acquittée par les assises. Le verdict qui tombe le 28 juillet 14, juste à la veille de la Grande Guerre, joue un rôle très important. Il faut vous dire que Caillaux était l'un des seuls qui aurait pu l'éviter, cette guerre. Mais enfin, je ne vais pas ouvrir là cette discussion qui nous entraînerait très loin. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour une émission consacrée aux événements de Little Rock aux États-Unis en 1957. Ces 9 lycéens de couleur qui avaient bouleversé littéralement l'histoire.